ici, on te l'a dit, ça arrive. Avec ce K.A. B-White, R.O. Gecko, Métis D. Pour tout fracasser. Mais n'oublie pas, 2006, t'es que l'apéritif. Bah ouais. Moi et ma team, toujours là en VIP. Immortels sont nos messages qu'on nous envie un peu. Dans le de faire son billet, c'est la crise. Alors on clash, mais nous testons, c'est mettre ses deux doigts dans la prise. Ou bien taper la roulette, Russie-balle dans le baril. J'rappe tes morts pour revenir sur terre, trop tard il est. Car il est impossible de nous surpasser si Boug, un groupe aussi, était déjà surclassé. Vas-y, envoie le son plus fort que je le démonte. Vas-y, va voir LTDS à la gloire, que des beaux, des hommes humbles. Pas de vie de faire des autographes. Et puis c'est c'était le bac, on irait tous au doctorat. Génération 86, le son il est pour vous. Un son qui bouge, un son qui fait le mic, puis qui fait boum. Puis 8 mesures, ça suffit pas, mais c'est pas grave. Si t'en veux plus, vas-y, va voir. Y'a Tic Dassoum dans tes bacs. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. Eh, pas digue, on vient se placer dans les bacs. TDS, c'est l'équipe qui vient déclasser les stades, déclasser les stars, griller tous les ports, grailler toutes les parts. C'est trop gore, ferme ton store, que des sons bâtards. Fais pas style, je sais que t'as la barre dans mon cœur. Faut que tu saches que la zik elle banne. C'était frais comme le corps Jessica Alba. Si, si, je te promets, faut l'acheter car il est busy. TDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. TDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. Je demande pas d'aide quand je prenais comme inévitablement faut que ça d'aide. Les faux ou plaies de l'injustice écrit à l'aide pendant que c'est ma toile. Combien disent avec trop de meufs à poil. Pourtant c'est ça que j'aime et j'en ai rien à foutre. Si ça gêne, si l'industrie me voit comme un indigène indigeste à l'heure où la Star Academy veut plus de sous. Tout le souci dans la musique, ça vise le hit. Même sans technique, trop de mimiques. Alors normal que TDS rapplique. Ouais, ouais, 2006, ça arrive tout droit dans ta tête. Fais tourner dans ta tête, dans ta vie, mais n'oublie pas qu'on a trop de style, trop de rime et trop de speech. Tu connais les boys, mais Dizzy, c'est le coach hit. Faut que tu cogites. Check Dassoum, c'est de la tuerie. Ça s'affole dans la foule, c'est de la folie. Aussi puissant qu'en bolide ou comme un shoot de Basil Boli. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, dans les bacs. 2006, c'est notre année. DDS, DDS, dans les bacs. Dans les bacs. 2006, c'est notre année. C'est notre année. DDS, DDS, dans les bacs. Dans les bacs. 2006, c'est notre année. C'est notre année. DDS, DDS, dans les bacs. Dans les bacs. 2006, c'est notre année. C'est notre année. DDS, DDS, dans les bacs. Dans les bacs. 2006, c'est notre année. C'est notre année. DDS, DDS, dans les bacs. Dans les bacs. 2006, c'est notre année. C'est notre année. DDS. Si, si, c'est notre année, TDS. Ah, ça fait péter le champagne. Hey Tyler, on trinque ou quoi? Allez, Chin. Chin, la famille, TDS, le succès, si, si. Au prochain CD aussi. T'inquiète, 2006, c'est que l'apéritif, mon gars.